Nous avons fait longue route, jamais elle ne s'arrête. Longue route d'étoiles, regardez trop la nuit. Longue route comète, et la nuit est d'accord. Car la nuit est d'accord. Nous ne savons pas où aller.